بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. يقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فص أصل وأم هذه القواعد البطالة. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. القاعدة الأولى. La première règle. قاعدة ما يسمى قاعدة المعذرة والتعاون وهي لفظها يقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فص أصل وأم هذه القواعد البطالة هذه الآن سلا السخص C'est la base de toutes ces règles 1 qu'on va voir. La source, c'est cette qaïda. Qaïda al-Ikhwan, al-Muslimin. Cette qaïda, celui qui l'a fondée, Ma'rouf, Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, il a fondé cette règle. Ben, il a fondé Firqat al-Ikhwan, al-Muflisin, ala hadhihi al-Qaïda. منهج الإخوان الآن إلى فوضى شخص القاعدة نجتمع فيما اتفقنا عليه أي on se rassemble dans les choses qu'on est d'accord نجتمع فيما اتفقنا عليه أي on se rassemble مثلا j'aime le prophète t'aimes le prophète je fais salat tu fais salat je fais le hajj tu fais le hajj on est مجتمعون على هذا الآن تأمل الكلام المجمل الآن في attention أيها المسلم لأن الكلام الآن الحق نتعاون فيما اتفقنا عليه c'est حق on s'entraide les choses sur quoi on est d'accord c'est حق on est d'accord maintenant qu'il faut faire salat on s'entraide on est d'accord qu'il faut faire zakat on s'entraide on est d'accord qu'il faut faire le jihad on s'entraide c'est حق c'est حق قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى لكن أهل الباطل والضلال et ça c'est une فائدة أن أهل الباطل والضلال كثير منهم ils viennent pas avec un باطل clair directement لا Ils viennent avec le kalam al-mujmal qu'on a expliqué dans le muqaddimah. Hassan al-Banna, il a fondé le manhaj, son manhaj, ou son groupe, al-Ikhwan, al-Muflisin, ala hadhihi al-qa'ida. Et le début, c'est haq. Fakatir min al-nas yaghtarru. Beaucoup de personnes, ils ont dit sahih. On s'entraide. On s'entraide dans le bien. Lakin, la suite, qal. وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا بِمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ خلاص il a ouvert un bab dhalal il a ouvert un bab dhalal directement après il est venu avec un kalam حق ثم il a cité un autre kalam مجمل مجمل ça a donné هذه القاعدة الخبيثة قاعدة التمييع والضلال والانحراف قاعدة المعذرة والتعاون أي sur quoi on est d'accord on s'entraide Si on n'est pas d'accord sur une chose, tu m'excuses, je t'excuse. Tu ne me dis pas, tu t'es trompé, je te dis pas, tu t'es trompé. Tu ne me dis pas, tu es un égaré, je te dis pas. Je te dis pas, tu es un égaré, tu ne dis pas, je suis un égaré. Et elle est là la gravité. Elle est là la gravité. Al-Qaïda, elle est khatira jiddan. Khatira jiddan, elle a fait du mal à l'Umma, un mal énorme. لأن هذه القاعدة كما فيها تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن si une personne a fait une erreur, on l'excuse pas là, on lui montre. Inch'Allah, il revient à l'al-haq. S'il revient pas, on a un comportement à voir qui est basé sur des adillah min al-kitab wa min al-sunnah. أما هذا الكلام الآن لا أصل له. لا أصل له. Il a fondé le début de la قاعدة sur l'al-haq. فلهذا si vous méditez bien et vous réfléchissez et celui qui a lu l'historique du groupe des Ikhwan al-Muslimin les frères musulmans tu verras que le manhaj il est fondé sur هذا الآن Ikhwan al-Muslimin ils sont arrivés à un niveau en Égypte مثلا ils sont arrivés à un niveau أن حتى les chrétiens ils sont avec eux لماذا لأن ils ont cette règle eux ils disent on cède avec lui et je suis pas d'accord c'est un chrétien je suis un musulman je suis un musulman لكن on cède فلهذا في فرقة الإخوة المسلمين تتخوف صوفية تتخوف روافض تتخوف دي علماني دي لايك تتخوف دي ريبوبليكان تتخوف جميع الأصناف الضالة تتخوف لماذا؟ لأن ils s'entraident tous pour avoir pour être pour que le gouverneur il soit des leurs et ce qu'ils sont pas d'accord tu me blâmes pas je te blâme pas c'est ça manhaj al-Ikhwan al-Muslimin et il est fondé sur cette règle فالحذر الحذر الشيخ المسلم قال قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سساء المنهج الصحيح سساء الدين المستقيم الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى. Entrez-vous dans le bien et la piété. طيب سا on est d'accord. ثم قال عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما المفسد الشوز الإثم والعدوان الانجستيس المخالفة الكتاب والسنة البدع الكفر الشرك توسع يبقى التعاون أبدا أبدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم تحجزه أو تمنعه عن الظلم ذاك نصرك. نعم فإن ذلك نصره. المنهج الصحيح النبوي الآن il est résumé dans ce hadith. النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الآن ce hadith il te montre que la deuxième partie de la règle وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَخْتَلَفْنَا فِيهِ. Si on a divergence, tu m'excuses, je t'excuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال أَنْ سُرَخَكْ ظَالِمَا لَوْ. Tu secours ton frère s'il a subi une injustice, c'est clair. Ou si c'est lui qui a été injuste. كَذَلِكْ tu le secours. Ça ne veut pas dire tu te tais. Comme ils ont compris الإخوان المسلمين. Là, النبي صلى الله عليه وسلم ils lui ont vendé, ils lui ont dit يا رسول الله كيف ننصره وهو ظالم. Comment on va le secourir et il est injuste. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحجزه وتمنعه عن الظلم. Allez, tu l'empêches de faire ce don. Ya akhi taq Allah. Ce que tu fais c'est une bid'a. Ce que tu fais c'est du kufr. Ce que tu fais c'est une mukhalafa. Et tu l'empêches de faire cette chose tant que tu peux. ذاك نصره. أما se taire. Se taire. Et tu m'excuses, je t'excuse. Et on est tous des frères. Abadan. Ça c'est la haqiqa. Stafadou min al-démocratie. Ça c'est un fondement de la démocratie. On est tous égaux. Je suis un musulman, t'es un juif. La fraternité. La démocratie maintenant, ils veulent pas que tu dises Foulan c'est un égaré. Foulan c'est un kafir. Abadan. Tu dois respecter l'autre. Comme yaqoulou. Wa nahnu on respecte le kitab wa sunnah. Et celui qui ne respecte pas le kitab wa sunnah, fa la karama. هذا فاستقاعدة لباطلة. كذلك on cite un deuxième hadith pour appuyer hadith Abi Sa'id في صحيح مسلم قال رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث يتمنطق أن si on voit une personne qui fait un munkar, ça peut être du kufr, ça peut être une bid'a, ça peut être un péché, ça peut être al-muhim, c'est un munkar parmi al-munkarat. Le prophète صلى الله عليه وسلم il n'a pas dit tu te tais ou tu l'excuses. Abadan. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغيره. C'est un amr, c'est un ordre. Tant que tu peux, c'est obligé à un musulman que tu enlèves ce munkar. Si tu peux avec la main, enlève-le avec ta main. Si tu peux pas, avec la bouche, avec la langue, tu parles. Ya akhi taqilla. Si tu peux pas, ça arrive des cas où tu peux pas, avec ton cœur. Ça c'est le minimum. Wa dhalika adhafu al-iman. C'est ça manhaj al-anbiya. Fa anzur al-an. Cette qa'ida al-an, elle est étudiée dans des écoles, dans des marakiz. Elle a été expliquée dans des livres. Maintenant, si pense qu'elle est haq. Quelques adillas on a cité, elle tombe à l'eau. C'est une qaïda de Ahl al-Bida. Ils l'ont fait pourquoi? Pour eux, c'est un rempart contre ce youf Ahl al-Haq. Il y en a, ils savent qu'Ahl al-Sunna, ils ne se tairont pas. Eux, ils ont instauré cette règle. La Allah, tu les laisses tranquilles et tu parles plus sur eux. Abadan, man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi. Hakada qala an-nabi alayhi salatu wassalam. Tant que c'est bihaq, et ta niya, tu veux le haq, et t'espères être la cause que cette personne est guidée, montre-lui. Qala alayhi salatu wassalam, ad-din an-nasiha. Nabi Sassoulam, il n'a pas dit tais-toi, pardonne-lui. On lui montre. S'il revient, il a le haq, Nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Amma, on le laisse, fil haqiqa, tu ne lui veux pas son bien. Léana, fil haqiqa, c'est qa'id al-an. C'est pas, fil haqiqa, il ne veut pas le bien de la personne. Anta, tu vois une personne, il est en train de marcher, maintenant il y a un fossé. Tu te tais. Il est dans le noir. Ouais. Anta, tu sais qu'il y a un fossé. Tu le sais. Tu te tais. Qu'est-ce qui va se passer? La chose qui va tomber dans le fossé va se faire du mal. Kadiyamout. Mais c'est toi, c'est ça. Fais hadr hal, tu lui as pas voulu ton bien. Fama balouk, une personne, il est fil bid'a. Il est fil ma'as, il est fil mukhalafat. Rubama, il est dans du kouf. Et la personne, il le laisse comme s'il n'y avait rien là. Si tu lui veux le bien, montre-lui. Montre-lui. Ya akhi, fais attention. C'est ça, dînullah. Irhamu man fil ard. Yarhamkum man fil sama. Hakada qal nabi sallallahu alayhi wa sallam. Soyez miséricordieux envers les créatures, Allah il sera miséricordieux envers vous. Hada fil haqiqa, c'est min bab ar-rahma. Al-jarh wa at-ta'dil, c'est une rahma pour l'umma. Lakin akthar an-nas la ya'lamun. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qala wa idha ijtama'u ala ta'ati Allah ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن احد مع احد في كل شيء شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله il explique le verset là il dit non les musulmans ils s'entraident entre eux dans le bir wa taqwa t'as pas le droit de t'entraider dans le mal lakin شيخ الاسلام ابن تيميه il dit c'est pas dans tout dans le bir wa taqwa نعم لكن المعصيه ابدا ابدا لا si tu veux l'aider tu lui montres اما si tu te tais t'as trahi ton frère. T'as trahi ton frère. Badamia ce matin, tu verras ce qu'ils font pour leurs enfants, t'as ta'adjab. T'as ta'adjab. Est-ce que t'as déjà vu un père ou une mère qui a un cœur et un aql? Est-ce que t'as déjà vu matalan son fils, son bébé, il approche matalan, il peut se brûler. Un objet, une casserole, il s'approche du four, il va le laisser, hakada. Là, laisse-le. Ah putain, il l'aime, il veut son bien, il l'enlève. Enfin, celui qui veut du bien pour ses frères musulmans, dès qu'il sait qu'ils ont une morale, enfin une bid'a ou une marchia ou akthar ou غير ذلك, il lui montre. C'est ça le rahma. C'est ça le rahma. Lakin ahl al-bid'a, ils ont tourné les choses. Al-an, anta, si tu viens parler, maintenant tu dis, ah, il fait attention à une bid'a, il est dur. Il est dur. Oh, laisse les gens, vous êtes trop kada. La tubali, anta, accroche-toi al kitab ou al sunnah. Mais les gens, si tu les suis, والعياذ بالله تهلك. أي غير الصالحين. قال شيخ الإسلام بل يكون لكل شخص مع كل بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله. C'est ça, فهم الآية. أنت tu t'entraides avec celui qui veut le haq et qui sera le haq. أما celui qui a la marsia, tu le montres. S'il ne veut pas, tu le délaisses. Tu le délaisses. Amma, ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Ah, ça, c'est pas min dinillah. Abadan. Wa qala, al-Sheikh al-Allama, Salih al-Fawzan, hafidhahullah. Qala, nashtami' fi ma attafaqna alayh. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Qala, hadha la shak annahu kalamun batil. Al-An, c'est alim min ulama al-Sunnah. Assad min usud al-Sunnah. Haoula, face au bâtil, c'est comme des lions. La Cheikh al-Fawzan, il a vu le mal, le makr, la ruse, ils veulent en venir où. Faliada, dès qu'ils ont cité la règle, il a dit hada kalam bâtil. Il a dit ça, c'est un kalam, il est fou. قال فالواجب ان نجتمع على كتاب الله وسنه رسوله وما اختلفنا فيه نرده الى كتاب الله وسنه رسوله الشيخ فوزان قال دي on se rassemble autour du kitab et de la sunna. Si un de nous est dans le kitab et la sunna, on le conseille. Et si on a une divergence, moi j'ai une divergence avec une personne, on revient au kitab et la sunna. Je dis pas que t'as tort, je dis pas que j'ai tort, là on revient au kitab et la sunna. Et si la preuve elle est avec moi, t'as tort. Si la preuve elle est avec toi, j'ai tort. C'est ça l'al-haq. Amma, on est tous sur la vérité et tout le monde se tait. Ça c'est manhaj al-yahoud wal-nasara. Manhaj al-yahoud wal-nasara. L'u'inu bi sabab hada. Al-yahoud, Allah subhanahu wa ta'ala l'anahum l'u'ina alladhina kafaru min bani Israël. Al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala il les a maudit les mains. Liyanna wahid, il voyait son frère munkar, il se tait. Fa nahnu la. Nahnu on a un din, on est des musulmans. On a une sunnah. On a des ulama. On n'est pas des baha'im, quel kuffar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نحن نبا هكذا الكفار يمانج يبوا يساكب كم دي زانيمو. لا نحن ندين اش دي فرج avec toi, on a un Coran, on a une sunna, on a des savants, c'est ça le haq. قال الشيخ الفوزان فلا يأذر بعضنا بعضا ونبقى على الاختلاف بل نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما وافق الحق أخذنا به وما وافق الخطأ نرد عنه. هذا هو الواجب علينا. إذا صار منهج السلف الشيخ الفوزان لا ديسيون ديفيرج هو بيان كتاب ولا السنة. سي سي حق on prend le haq, si c'est faux on délaisse le faux. هذا et on montre à celui qui est dans le faux et il fait tauba et alhamdulillah on est des frères على الحق. أما الإخوان المسلمون لغروب إيجاري الآن إخوان تعمل لنو أنت هكذا لنو كيزون دوني لنو إلون با إل يبا هكذا لا إلا يتسيت إكسبرين أي أوني دي فخير مسلم توس كل كسوا تعقيدة كل كسوا تابوزيشن. لا أوني دي فخير مسلم على الحق on revient tous au kitab al-sunna. Amma soufi il adore des tombes, min ayn c'est ton frère. Un rafidi il insulte Abu Bakr, Omar, Uthman, il yata'arfi Aisha, il dit que le Coran il est falsifié, il dit que al-sunna c'est des kuffar, il dit que les compagnons du prophète c'est des kuffar, c'est ton frère. Hada c'est min aladd al-a'da. Qala aw intaha kalam Cheikh Fawzan min sharh al-usul as-sitta. Hadi al-qa'ida al-batila awwalaha haqq باطل باطل ولا شك ان يقول قائل je peux اختلف avec mon frère et ça fait pas de lui un égaré. نعم لكن الكلام الان il est مجمل يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الخلاف il y a plusieurs catégories de خلاف. Si c'est un khilaf dans l'aqidah, t'as pas le droit. Amma, est-ce que Hassan al-Banna il a détaillé? Abadan. Kalam mujmal. Lianna, Hassan al-Banna, c'est un mubtadi' sans vol. Alihada, il a parlé en tant que mubtadi'. Amma, nahnu la. Le khilaf, ça dépend du khilaf. Ou alors, c'est une petite chose. Aïe, ça fait pas partie de l'aqidah. Fatalan, il khilafna dans une mas'ala de fiqh. Ça veut pas dire que je me tais, là. Peut-être que je veux te montrer de dalil et tu vas être d'accord avec moi. فانتبه أخي المسلم وفي هذا العصر à notre époque où on vit بعض الناس ils ont repris cette قاعده لكن ils ont changé le lord à l'époque où on vit on va citer deux exemples Anna ils ont pris cette قاعده لكن ils ont pas cité comme Hassan al-Banna لأن ils savent que les gens خاصة أهل السنة ils vont dire ça c'est une قاعده Hassan al-Banna المبتدع ils ont changé le lord. Ils ont changé la formulation de la règle. Samatalan, Hassan ou Ali ibn Hassan al-Halabi. Ali Hassan al-Halabi, معروف من تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله. Ou الشيخ الألباني, il était fiwad fi ta'sil ilmi et c'est un salafi quh. Amma hada c'est un tilmid aq. Sa mubtadi' sa dal sa munharif. Fatal, il a dit اسمع la règle qu'il a cité. قال لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا للخلاف بيننا. الان cette قاعده qu'il a cité هذا المنحرف انه هو يسي اولا que les gens avec qui il marche c'est des منحرف. Il le sait ابو الحسن المصري صنضال محمد حسان محمد حسين يعقوب أبو إسحاق الحويني المغراوي tous ceux-là c'est من رؤوس أهل البدع. علي حسن il s'est retrouvé ou il a voulu moi je fréquente ceux-là et je fréquente أهل السنة الشيخ الفوزان الشيخ ربيع الشيخ العباد الشيخ مقبل إلى آخر. Il s'est trouvé entre les deux أهل السنة وخاصة العلامة المجاهد ربيع بن هادي وفقه الله وحفظه. Il lui a montré, là, tu dois délaisser Haoula, c'est des Mubtadi'a. Fahoua, il n'a pas voulu citer la règle. Nata'awal fima attafakna alay. Aïe, je suis d'accord avec vous dans certaines choses. Wa yadhru ba'aduna ba'adun fima akhtalafna bi. Aïe, sur cela on a divergé. Fah, laissez-moi et je vous laisse. Dis pas que je suis comme eux, moi je dis pas. Aïe, on reste des frères, comme s'il n'y avait rien. Al ulama, ils lui ont dit là, abadan. Imma, tu les délaisses, imma t'as avec eux. فإلى أن تستغرق لا نجعل خلافنا في غيرنا خلافا بيننا أي Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le khilaf que j'ai avec vous sur ce genre de personnes, il ne faut pas que ça devienne un khilaf entre nous. Aïe, tu m'excuses, je t'excuse. C'est exactement la même règle. Il a changé al-kalam. Et ça, ça montre un rajul. Il a du makre, il a du khob. لأن هذا سمينا التلبيس وأهل السنة سأبعد الناس عن التلبيس سيسي باطل غوفيا سطولغا في التوبة اتنوت فخير لكن العناد il s'est entêté فلا شك أن أهل السنة ils l'ont fait sortir de la sunna et aucun doute أن هذا الرجل سامنحرف et aucun doute سامبتدع سامضل صلى الله سبحانه وتعالى يكفينا شره قال الشيخ نجمي رحمه الله الشيخ نجمي معروف أحمد ابن يحيى العلامة أسد كذلك من أسود السنة شيخ نجمي لفين غيرة عجيبة على السنة أبدا تتوش على السنة أو تفجم على السني لا يسكت أبدا لماذا؟ لأن الشيخ نجمي رحمه الله إلى يتلفي على طريقة السلف إلى يتلفي على طريقة السلف إلى بروفيتي دو الدعوة السلفية في نجد دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سيزيلاف سيبوتيفيس الشيخ نجمي إلى يتلفي Il a été élevé dans cet environnement. Qu'est-ce qui est sorti un sunni? Ils lui ont cité la règle de Ali Hassan. Aïe, la naj'al khilafana fi ghayrina, sababan lil khilaf baynana. Qala al-Sheikh Najmi, ala ay shay yajib ijtima'una, alaysa ala al-haq. Sheikh Najmi, il a répondu à Ali Hassan, il lui a dit, al-an, nous on doit se rassembler, on est tous d'accord. Lakin on doit se rassembler autour de quoi? Autour de l'haq. واعتصموا قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالاعتصام والاجتماع الى autour du Coran et de la Sunna فالان الشيخ نجمي يدي اليس على الحق بلى نعم يا انا aucun doute qu'on doit se rassembler على الحق قال فان خالف الحق احد وجب علينا اولا ان نمسحه ونبين له فان رجع والا فانه يجب علينا ان نعتبره شادا ونرفضه نرفضه الشيخ نجمي الان يكسبيك يجي الان si on est tous d'accord on doit se rassembler dans le haq الان ces innovateurs que Ali Hassan y défend on leur montre le haq العلماء اللي غمونتخي ils ont pas accepté on les délaisse اما تأمل موقف Ali Hassan الحلبي لا ils ont pas accepté il le sait هو لأن c'est une des personnes qui a montré leurs erreurs لكن ils ont pas accepté il a dit là ça reste mon frère on reste avec eux يعذروا بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه علي حسن الا ديفورمي الا دي لا نجعل خلافنا في غيرنا او سببا للخلاف بيننا ولو سي سنتات ولو سي كومبا لا سنه ولو سي كريتيك لي سافون pour lui نعم tu c'est ton frère t'es son frère et c'est comme s'il y avait rien du tout ابدا ça c'est منهج التمييع ça c'est منهج التمييع الان عليه الغير على السنه Il est où Ar-Rad ala Ahl al-Batil? Les mains d'Ali Anna al-Qawm, ils ont des relations fit dunya. Ils ont des relations fit dunya. Il y a de l'argent en jeu. Fa'a yastati. Al-Jam'iyyat, elles sont rentrées, elles les ont rassemblées. C'est ton frère. Et il ne peut pas abandonner tout ça et dire ça à Moubtel Abadal. Falamma azaru, azar Allahu qulubahum, wallahu la yahdi al-Qawm al-Fasiqin. C'est eux, ils se sont égarés. Allah, il les a égarés. Kadhalik min al-amthila, fi hadha al-zaman. قاعدة ذكرها الشيخ محمد الإمام هداه الله في كتاب الإبانة كذلك إلى ستة نفس القاعدة لمن لكن لا فورمولاسيون إلا شانجو فتو va voir que c'est la même قاعدة كعلي حسن et on a prouvé on a démontré que la قاعدة علي حسن c'est la même que حسن البنا قال يدي dans son livre الإبانة où il cite قال اختلافنا في الأشخاص ليس اختلافا في الدعوة تأمل اختلافنا في الأشخاص ليس اختلافا في الدعوة أي يريد من هذا الكلام أن مثلا واحد يدي فلان صار مبتدع écartez-vous de lui il a des preuves من الكتاب ومن السنة et il argument جرح مفسر un autre il dit non il dit là c'est un frère c'est un sunni الآن la قاعدة Ce khilaf qui est entre les deux, il ne faut pas que ça fasse un khilaf dans le da'wa. Al-An, si tu as compris ce qaïda, tu vas comprendre beaucoup de choses dans la fitna qu'il y a eu. Les mada, les al-An, matalan, on a dit, une personne y a rudd ala wahid. C'est un mubtadi'. Al-An, nous, on doit étudier On doit analyser, est-ce que le jarh, la critique, elle est fondée sur des arguments. Si elle est fondée sur des arguments, on doit étudier ces arguments. Si c'est haq, on accepte. Il veut pas revenir, ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est lui, il veut pas revenir. Al-An, Cheikh Al-Imam, il dit dans son livre, là, il dit, ikhtilafuna bil ashkhas. Ça veut pas dire qu'on va retalef dans le da'wa. Aïe, la da'wa, on reste tous ensemble, et tu me pardonnes, je te pardonne. C'est exactement qa'idat Ali Hassan. C'est la même. Al-An, on va faire une comparaison les deux qawa'id. Entabihou, suivez. Ali Hassan, il a dit, la naj'al khilafana fi ghayrina sababan lil khilaf baynana. Cheikh l'imam قال اختلافنا في الاشخاص ليس اختلافا في الدعوه. Alors si tu compares les deux, قول علي حسن لا نجعل خلافنا في غيرنا, c'est exactement la parole de Mohammed l'imam, اختلافنا في الاشخاص. لان علي حسن dit خلاف avec les autres, Mohammed l'imam dit خلاف avec الاشخاص, les autres, c'est la même chose. La deuxième partie, قال علي حسن سببا للخلاف بيننا, اي une cause que ça fasse du خلاف entre nous. Mohammed l'imam il a dit قال اختلافا في الدعوة. الدعوة c'est nous, on fait tous partie de la da'wa, da'wa salafiyya. Ça c'est exactement les deux mêmes règles. Al-an, celui qui critique قاعدة البنا, قاعدة المعدرة والتعاون, il est obligé de critiquer قاعدة علي حسن, c'est la même. Pour celui qui est juste, celui qui a du adl et du insaf et qui a la haine, si tu as critiqué l'ikhwa al-muslimin pendant des années, tu es obligé de critiquer Ali Hassan. Si tu as critiqué Ali Hassan, ça implique que tu dois critiquer la règle de Mohammed l'imam. C'est ça le haq. C'est ça le haq. Amma, je critique lui et je critique pas lui. Limada. Limada. Personne est au-dessus du haq. Personne. قال عز وجل اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. كي سوى لمن مالك, بل حديث ثابت مرفوعا عن ابن عباس قال كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله. لمن مالك لا دي الا صاحب هذا القبر. On rejette. Alors, Cheikh Mohammed l'imam, il s'est trompé, on rejette son qawl. Celui qui veut le haq. Amma, celui, il n'ose pas. Hala, il a un manhaj daif. Assalamu subhanahu wa ta'ala, thabat. Wassalamu wa al-afiyah min al-fitan. Subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com.